La manière dont on élevait les enfants des rois est admirée par Platon et proposée aux Grecs comme le modèle d'une éducation parfaite. Dès l'âge de 7 ans, on les tirait des mains des eunuques pour les faire monter à cheval et les exercer à la chasse. À l'âge de 14 ans, lorsque l'esprit commence à se former, on leur donnait pour leur instruction 4 hommes des plus vertueux et des plus sages de l'État. Le premier, dit Platon, leur apprenait la magie, c'est-à-dire, dans leur langage, le culte des dieux, selon les anciennes maximes et selon les lois de Zoroastre, fils de Romaz. Le second les accoutumait à dire la vérité et à rendre la justice. Le troisième leur enseignait à ne se laisser pas vaincre par les voluptés, afin d'être toujours libres et vraiment rois, maîtres d'eux-mêmes et de leurs désirs. Le quatrième fortifiait leur courage contre la crainte qu'il en eût fait des esclaves et leur eût ôté la confiance, si nécessaire, au commandement.